s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, vu qu'en ce moment c'est le carême et le ramadan, on a décidé de faire une émission autour du thème du jeûne en général. Donc je suis avec Éléonore. Bonjour. Ainsi que Queen. Bonjour. Donc pour commencer, je vais vous laisser présenter comment se passe le jeûne dans les différentes religions les plus connues. Donc Queen, je te laisse commencer. Tu vas nous parler du bouddhisme, c'est ça pour, oui, c'est ça. Pour la première partie. Exactement. Donc tout d'abord, dans le bouddhisme, déjà, on a trois écoles. Et donc aujourd'hui, je vais plus m'intéresser à tout ce qui est Theravada. Donc c'est une école qui dit que ça parle de jeûne et c'est surtout qui propose un enseignement pour avancer vers la voie d'éveil et pour atteindre le nirvana. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lien avec la souffrance, avec le désir. Et donc dans ce Coran, on dit que le jeûne, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé dans le but d'atteindre une purification. C'est pour aussi pour se rapprocher de notre foi, que ça soit spirituel ou personnel, ou voilà. Après, donc il y a aussi le dutanga. Est-ce que je sais pas si tu connais, ça mais donc rien du tout, donc en fait c'est un mot qui permet de dire qui exprime les 13 moyens de purification. Et donc c'est aussi dans le bouddhisme. Donc ici il n'y a pas de temps déterminé. Le but du jeûne dans ce courant, c'est vraiment de développer plusieurs vertus, comme par exemple la purification, le renoncement ou le contentement, dans le but vraiment d'avoir une purification, toujours comme dans le courant Theravada. Mais ce qui est important ici, c'est pas la réalisation, mais c'est plus l'intention. Est-ce que vous comptez vraiment être purifié? Est-ce que le jeûne compte vraiment pour vous ou pas? Donc voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du ramadan dans l'islam? Alors du coup, le ramadan dans l'islam, dans le ramadan, il y a le jeûne qui dure environ un mois, qui est aussi là à but, c'est la purification, c'est se rapprocher plus de notre foi. Et donc le ramadan, c'est fait pour tout le monde, mais on n'est pas obligé. Comme par exemple pour les femmes enceintes, elles peuvent ne pas faire le ramadan, mais par contre, après, lorsqu'elles ne sont plus enceintes, elles peuvent rattraper le ramadan, c'est-à-dire que par exemple si le ramadan était sur 28 jours, après elles peuvent faire les 28 jours hors temps de ramadan. Sinon c'est pas obligatoire non plus pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont une maladie qui est très grave et qui nécessite une nourriture qui est saine, qui apporte beaucoup de protéines, de minéraux. D'accord. Et du coup, dans le ramadan, on dit que les femmes et les hommes ne peuvent pas avoir de rapport sexuel, ni un rapport physique. On a également les ramadans ne peuvent ni manger, ni fumer pendant... lorsqu'il fait jour, mais par contre, ils peuvent manger, bien évidemment, lorsque c'est le soir et que c'est là où ils peuvent manger et prier en même temps. D'accord, très bien. Éléonore, tu vas nous parler du christianisme, c'est ça pour commencer? Oui, c'est ça. Du coup, le christianisme, alors contrairement au ramadan, où vraiment c'est vraiment un des piliers de l'islam, il y a la pratique du carême, mais qui est quand même beaucoup plus légère. En fait, du coup, normalement, l'idée, c'est de... le carême dure 40 jours avant Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Et en fait, l'idée, c'est plus de se concentrer sur sa foi, sur la prière, sur les autres. Et effectivement, il y a cette indication qu'on peut se priver, par exemple, de viande, notamment les vendredis. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est primordial. C'est vraiment plus une période de repli sur soi-même. Donc c'est un jeûne qui est plutôt léger en fait. C'est voilà, donc se détacher de tout ce qui est matériel et se recentrer sur soi. Une sorte de privation des plaisirs, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée, enfin en tout cas des chrétiens que je connais, c'est plus un chemin qui est personnel, qui va faire que chacun choisit un peu de quoi il se prive. Enfin, j'ai une amie qui se prive de chocolat par exemple, ou des choses comme ça. C'est beaucoup moins encadré, disons. Et du coup, après, sur l'histoire un peu de pourquoi, du coup, 40 jours. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on retrouve dans plein de religions, c'est que bah, les prophètes ont eu une période de jeûne. Donc là, Jésus, il était allé dans la montagne, il s'était replié pendant 40 jours, donc c'est pour ça que c'est 40 jours. Et l'idée, c'est de le faire avant Pâques, la résurrection du Christ. C'est pour se préparer vraiment à cette grande fête qui est la plus importante pour les chrétiens. D'accord. Voilà. Et puis après, donc ça, c'est plus le côté catholique. Et par exemple, pour les protestants, il n'y a même pas de jeûne du tout, il n'y a même pas le fait de se priver de viande, parce que l'idée, c'est pas de se priver, mais vraiment d'aller vers la joie, vers les autres, vers sa spiritualité. Donc, voilà. Ok, on voit qu'il y a quand même des différences dans un même courant. Dans les courants différents d'une même religion. Ah oui, absolument. Et puis après, alors donc ça c'est pour le carême, mais sinon il y a d'autres personnes, je sais que du coup ma mère qui est chrétienne, elle pratique le jeûne, mais plus parce qu'il y a eu un mouvement en fait international qui s'est créé, qui propose de jeûner pour la paix, et du coup elle deux fois par semaine elle jeûne, donc elle mange pas de la journée, ça ressemble plus au ramadan, c'est donc où elle mange très légèrement. Et c'est des journées où elle se concentre sur la prière, sur la paix, sur faire partie de ce mouvement un peu. D'accord, c'est plus quelque chose de spirituel du coup. Ouais, voilà. Vis-à-vis de la paix, etc. C'est spirituel et puis c'est aussi un acte un peu militant entre guillemets, non violent, en disant on prie contre la guerre, on prie pour peut-être que les personnes influentes politiquement puissent nous entendre, etc. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la foi baha'i ? Oui, alors du coup, la foi baha'i, c'est une des religions qui m'intéresse beaucoup. Je vais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas super connu. C'est une religion qui est assez récente par rapport aux autres religions, qui date du coup du 19e siècle, et qui vient d'Iran. Et du coup, c'est une religion qui considère qu'en fait, toutes les religions sont la même religion, donc... que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, et que c'est juste que la révélation se fait progressivement par les prophètes en fonction de la société, etc. Enfin, en tout cas que le message soit délivré pour s'adapter au moment de l'histoire. Et du coup, ça prône par exemple l'égalité homme-femme, l'égalité entre la science, la religion, les arts, etc. Donc c'est une religion qui a un message vraiment très ouvert. Voilà. Et du coup, eux aussi, ils pratiquent le jeûne. Et donc là, ça ressemble beaucoup plus au ramadan pour le coup. En fait, eux, ils ont un calendrier un peu particulier. Ils ont en gros 19 mois de 19 jours. Mmh. Et du coup, c'est le dernier mois de l'année. Donc pendant 19 jours, ils pratiquent le jeûne. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne mange pas, on ne boit pas durant la journée. On se lève avant le lever du jour et on mange après le coucher du soleil. Et pendant 19 jours. Et du coup, c'est pareil, c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire qu'on se recentre sur soi, on se dégage un peu de tout ce qui est matériel. Donc pareil, donc pas de nourriture, pas de boisson, mais c'est vraiment plus un symbole, c'est-à-dire que c'est l'idée de se priver de ses désirs pour se recentrer sur vraiment l'essentiel. Voilà, et puis ça se finit donc au bout des 19 jours par leur nouvel an, donc le Naharut. Je le prononce peut-être pas bien, mais c'est l'idée. Et donc là, ils font la fête. En fait, c'est aussi là un peu une petite différence avec le ramadan, c'est que le ramadan, en général, il y a le rond du jeûne, c'est comme ça que ça se dit. Enfin, ils rompent le jeûne tous ensemble, et donc en général, il y a les gens se rassemblent et prient ensemble, font un peu quelque chose de festif le soir. Eux, il n'y a pas de fête du tout dans les 19 jours. Mmh. C'est vraiment quelque chose de personnel. Éventuellement, ils font des bisous pour prier ensemble. Mais sinon, c'est vraiment plutôt dans la sobriété jusqu'au 19e jour, donc le nouvel an où là, il y a une fête. D'accord, très bien. On voit bien qu'il y a, du jeûne dans presque toutes les religions. On peut aussi citer, par exemple, le judaïsme avec Yom Kippour, qui est mentionné dans la Torah, mais aussi on peut parler de l'hindouisme, et qui a une place où le jeûne a une place vraiment très importante dans la religion. Voilà, mais on voit vraiment qu'il y a quand même une idée où le jeûne est assez présent dans presque toutes les religions, quoi. On est toujours dans Que Exprime avec Queen et Eleonore. On se retrouve après une interlude musicale avec Holy New de Synapson. À tout de suite. I don't... talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say. Do what you wanna do. Live your life all the way. Retour sur Coexprime avec Éléonore et Queen. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait une émission autour du jeûne, car en ce moment c'est le ramadan et le carême. Donc tout à l'heure, on a un peu évoqué comment ça se passait très succinctement dans les différentes religions, un peu voir comment se déroulait le jeûne dans les religions un peu les plus représentées en France. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez eu des retours de personnes pratiquantes, leurs ressentis, comment ils l'ont vécu, etc., comment ils le vivent, surtout ? Moi, du coup, j'ai eu plusieurs retours d'une amie Bahaï, notamment, qui m'a parlé un peu de comment elle pratiquait le jeûne. Je pense, dans tous les cas, enfin là, je parle un peu par rapport à ce qu'elle m'a dit, mais ça dépend vraiment de chaque personne, si c'est difficile ou pas. Pour elle, elle me dit que c'est quelque chose qui est super simple à faire, qu'elle adore en fait cette période parce qu'elle est très concentrée sur elle, sur la spiritualité, et c'est quelqu'un qui est très spirituel. Donc pour elle, elle a des retours très positifs et elle trouve que c'est un symbole qui est beau parce qu'on se replie, on se reconcentre vraiment sur ce qu'on veut. Et en plus, comme c'est juste avant la nouvelle année dans leur calendrier, c'est, c'est assez symbolique de faire le point sur l'année qui vient de passer pour en entamer une nouvelle. Donc voilà, donc elle, pour elle, c'est quelque chose de très positif. Après, pour ma mère, par exemple, du coup, je disais qu'il pratique le jeûne deux fois par semaine dans le christianisme. Elle, c'est plus difficile, notamment aussi parce qu'elle le fait un peu de son côté, même si elle fait partie d'un mouvement. Le mouvement, elle connaît personne qui fait le jeûne avec elle. Donc c'est toujours compliqué de voir des personnes manger autour de soi, et puis elle dit non. Donc des fois, elle se dit « je me prive un petit peu de moments partagés ». Mais pour autant, ça lui permet vraiment de prendre de la distance sur cette sphère matérielle, de se recentrer vraiment vers la prière qui lui fait énormément de bien. Et du coup, ça reste quelque chose qui, même si c'est parfois difficile, reste vraiment positif pour elle. C'est vraiment un apport spirituel en tout cas, et qu'elle aime bien faire pour renforcer sa foi. C'est vraiment aussi quelque chose qui renforce la foi de pratiquer le jeûne et de se reconcentrer vers sa spiritualité et vers la prière. Et au niveau de l'islam, vous connaissez quelqu'un qui pratique le ramadan en ce moment ? Oui, moi je connais, je connais une très bonne copine, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais je sais que ça fait depuis qu'elle est née qu'elle pratique le ramadan, et à plusieurs reprises, quand je lui demande « Mais attends, est-ce que c'est pas trop dur de pratiquer le ramadan ? » Surtout quand il fait super chaud et que tu as envie de boire. Du coup, elle me dit « Oui, c'est vrai que au début c'était compliqué, mais on s'habitue vite. » Et donc c'est grâce à ça qu'elle a continué à faire ça. Et puis il y a aussi elle est très dans la religion, elle respecte beaucoup de choses, et donc je pense que c'était plus un avantage de le faire qu'un inconvénient. Mais après, j'ai aussi une autre copine qui a pratiqué aussi le jeûne, mais là pour le coup elle est pas du tout dans la religion. En fait, elle a fait le jeûne, c'était surtout par rapport au fait qu'elle voulait perdre du poids et que ça faisait longtemps qu'elle cherchait un moyen, mais qu'elle n'arrivait pas. Et donc, elle a commencé à pratiquer le jeûne. Je crois qu'elle faisait, elle mangeait pas pendant 2 jours. Puis après, elle reprenait la nourriture, mais là, c'était pas à plat copieux, mais c'était juste des biscuits, des fruits, des choses comme ça. Et donc pour le coup, elle avait cours en même temps, elle faisait du sport, elle faisait le jeûne, donc c'était super fatigant. Et elle me disait que elle voyait l'aspect physique, elle voyait déjà que elle avait perdu du poids, mais elle était tout le temps fatiguée, et que elle avait l'impression qu'elle avait pas dormi, qu'elle s'est pas reposée. Et donc certes, elle était contente qu'elle a pu perdre 2-3 kilos, mais au final, c'était pas du tout gagnant-gagnant, parce qu'elle pouvait rien faire de sa journée. Et sinon, j'ai aussi une autre copine qui a fait ça, mais elle a pas ressenti autant d'effets négatifs par rapport aux jeûnes, parce que du coup, après, elle respectait pas trop le jeûne. elle faisait, mais dès qu'elle ressentait un peu de fatigue, ou dès qu'elle se disait j'ai un peu faim, je vais manger 2-3 petites choses, quoi, comme par exemple comme une pomme ou une banane, mais elle suivait pas les règles. Donc voilà. Très bien. Et alors biologiquement, qu'est-ce qui se passe quand on fait le jeûne ? Alors biologiquement, déjà quand on fait le jeûne, beaucoup pensent que quand on fait le jeûne et qu'on perd du poids, c'est parce qu'on n'a pas mangé et que du coup on a perdu plein de reste et tout. Mais non, en fait, dans les 5 premiers jours, tout ce qu'on perd, c'est on perd de l'eau déjà, on perd des minéraux comme par exemple le sodium, on perd aussi de la fonte musculaire. Donc c'est surtout ça qui favorise, qui vous montre que vous avez perdu 1 ou 2 kilos, mais c'est pas du tout à cause de la reste. Après, biologiquement, on voit également que dû à un manque, à une carence de vitamines, une carence de protéines, de minéraux, quelques jours après avoir fait le jeûne, tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir des effets sur tout ce qui est les effets cardiovasculaires, tu peux avoir des effets sur tes os. Mais ce qui est le plus important, c'est l'effet cardiovasculaire, parce que là, du coup, si le cœur n'est plus alimenté, s'il n'y a plus rien, tu peux mettre ta vie en danger. Mais après, beaucoup de scientifiques nous disent que oui, il y a des effets, on voit qu'il y a des effets bénéfiques, mais il n'y a pas eu des études qui ont été réalisées, et on ne peut pas être certain que c'est vraiment des effets bénéfiques, parce que du coup, à côté de ça, il y a beaucoup d'inconvénients. Et ce sont les inconvénients que du coup, je t'ai cités. Moi, du coup, j'ai lu des choses totalement différentes de toi, pour le coup, ouais. Qui étaient très positives. Moi, déjà, j'ai pas lu la même chose que toi sur la perte musculaire. Effectivement, il y en a. C'est le risque, mais c'est après un plus long terme. Et en gros, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le jeûne, il commence pas tout de suite. Dès que tu arrêtes de manger, c'est seulement après 12 heures. Mais effectivement, il y a un risque de déshydratation, de perte de minéraux. Et c'est pour ça que c'est ce qu'il faut absolument renforcer. Mais en prenant des compléments alimentaires ou en faisant très attention à son alimentation à côté, notamment quand on fait juste les jeûnes la journée et qu'on mange le soir. Par contre, si tu te réhydrates bien, si tu fais attention à cette perte de minéraux, c'est vraiment dans la graisse que tu vas puiser quand même, en premier lieu. Ensuite, ça sera les muscles, mais il y a quand même une transformation de la graisse en sucre dans ton sang. Ah oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, si tu continues longtemps le jeûne, le risque, c'est du coup tout ce que je t'ai cité sur l'effet cardiovasculaire. Ouais, bien sûr, on ne peut pas vivre sans l'eau et puis... Évidemment, évidemment. Ce qui est sûr, moi je parle du jeûne qui est vraiment contrôlé, qui est assisté médicalement. Et là, du coup, tu vas pouvoir... les risques que tu cites cardiovasculaires, c'est aussi quand tu... c'est dû à une hypotension parce que t'as pas assez d'eau dans ton organisme. Mais c'est sûr que, bien sûr, par contre, les muscles, au bout d'un moment donné, ton corps va puiser dedans. Mais il y a aussi beaucoup d'effets qui sont positifs, notamment sur le cerveau. Parce que, du coup, en gros, le fait de puiser, quand tu puises dans tes graisses, dans tes réserves de graisse, ton cerveau, il va sécréter des hormones qui sont qui sont appelées les hormones du bonheur. Donc, il y a la sérotonine, il y a la dopamine, il y a l'adrénaline et la noradrénaline. Adrénaline. Donc, c'est vraiment, c'est le moment où tu vas te sentir bien. Alors, ça, c'est pas immédiatement, c'est après quelques jours que ça va se produire. Mais du coup, t'as le risque d'être fatigué dans la journée. Mais au bout d'un certain temps, ton corps s'habitue et va sécréter ces hormones-là du bonheur. Et c'est aussi ce que j'ai recueilli comme témoignage de mon ami pareil, qui me disait, il y a des moments donnés, mon corps s'habitue et j'ai plein d'énergie, je me sens dans un état de transe où j'ai vraiment cette facilité pour la prière, etc. Parce que t'as ces hormones-là qui sont sécrétées, donc c'est aussi quelque chose de positif. Et moi, j'ai vu des études aussi qui disent que ça peut être super positif pour certaines maladies, comme pour prévenir Alzheimer, le cancer, et pour... Oui, les polyarthrites aussi. Ouais, les inflammations, réduire le vieillissement, etc. Après, moi, je suis plus dans l'idée que il faut pas surconsommer ni sous-consommer non plus. Ouais, du coup, moi, sûr. Je pars de l'idée où si tu fais le jeûne pendant un mois, ton corps, certes, t'auras de l'eau, t'auras des minéraux issus de l'eau, mais c'est pas suffisant pour que ton corps fonctionne, pour que tes organes puissent dire « Ah, on est au taquet, on va fonctionner au max et tout ». Peut-être que quand tu vas faire le jeûne, le tube digestif, il va être au repos parce que du coup... il va moins travailler qu'avant et que dans ton corps, t'auras moins de toxines, t'auras moins d'éléments chimiques. Mais je me dis qu'il me faut quand même plein d'autres produits issus justement des légumes, issus de ton alimentation. Ouais, de mon alimentation, de la viande, tu vois. Donc, tout ça, on ne peut pas retrouver juste dans de l'eau. Dans tous les cas, oui. Je pense que si on pratique le jeûne, si c'est juste pour des raisons de santé, il faut vraiment être accompagné médicalement pour savoir comment le faire et pas le faire n'importe comment, quoi. Mmh. Après, je pense que si tu le fais en suivant ta religion, je pense que ça peut être plus bénéfique que négatif, mais bien évidemment, il faut faire attention et pas le pratiquer n'importe comment. Mmh. Du coup, moi, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que du coup, on parle du jeûne par rapport aux jeunes des étudiants. Mais du coup, pour ces jeunes-là, j'ai pas l'impression qu'il y a un suivi médical derrière, ouais. Parce que c'est souvent, je me trouve pas belle, pas jolie, et du coup, je veux ressembler à mes copines, à des personnes qu'on voit sur Instagram. Du coup, c'est pas du tout contrôlé. Je pense que c'est super toxique. Après, je vois plus des personnes qui vont s'orienter vers les diététiciennes ou les nutritionnistes pour perdre du poids. Mais ouais. Là encore, c'est professionnel. Je pense qu'ils vont peu de ces professionnels vont te conseiller de faire un jeûne, c'est plus de vraiment d'adapter ton alimentation, d'adapter ton style de vie, ton mode de vie, c'est pratiquer plus d'activité physique pour justement avoir une balance bénéfice-risque entre ce que tu manges et ce que tu perds. Je pense que pour les personnes qui veulent perdre du poids, le jeûne, c'est pas la meilleure des solutions. Ça sera plus d'adapter son alimentation et son activité physique pour être soit en déficit calorique ou en bénéfice calorique afin de perdre ou de gagner du poids selon ce que tu veux faire. Mais on rappelle quand même que les personnes qui pratiquent le jeûne dans le cadre de leur religion, elles font bien ce qu'elles veulent. Oui, voilà, c'est ça. Genre, bien évidemment. On n'est pas là pour critiquer ou les blâmer. On évoque seulement les effets qui pourraient y avoir si le jeûne était mal fait ou mal amené, etc. Mais dans tous les cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut totalement de son corps. Tout le monde est libre de faire ses propres choix, etc. Oui, absolument. Et du coup, à votre avis, comment est-ce que le jeûne est vu dans la société ? Je pense qu'on a un peu parlé par rapport aux étudiants, c'est comme un peu le régime yo-yo. C'est quand t'en as besoin, tu te dis ah, mais c'est le régime qu'il me faut, et quand t'en as pas besoin, tu te dis non, mais c'est ce régime, ça n'a pas d'intérêt, tu vois beaucoup de choses néfastes. Et donc je pense que pour le jeûne, chez les personnes qui sont non religieuses, non pratiquantes, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que quand on le fait, on se dit je vais avoir un corps magnifique, je vais avoir une alimentation qui est saine, et que dans 2 mois, je pourrais aller à la plage avec des abdos, avec des bras super musclés. Mais dès le moment où tu te retrouves en hypotension, en hypoglycémie, en hypo de tout ce que tu veux, tu te dis Il y a une espèce d'idée reçue comme quoi le jeûne, c'est... hors religieux, c'est quelque chose de magique qui va te faire perdre du poids. Je pense que, dans tous les cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques religieuses qui sont reprises, qui sont redevenues un peu à la mode, surtout vis-à-vis du bouddhisme, tout ce qui est méditation, pleine conscience, etc. Et je pense que ça, c'est un peu récupéré de manière non religieuse, en mode ça, c'est cool pour le corps, c'est bien, machin. Sauf que si tu mets pas le sens derrière, c'est pas forcément très positif. Ils reprennent le jeûne du côté des religions, etc., mais ils y apportent pas le côté spirituel derrière qui a quand même une grande place dans cette partie-là. Moi, les personnes que je connais qui pratiquent le ramadan ou le carême, elles le font pas pour perdre du poids, et en général elles perdent pas forcément de poids derrière, donc Un petit dernier mot, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on parle de jeûne dans les religions, hors personnes religieuses, je trouve pas qu'on en parle beaucoup en France. Genre, ça reste quelque chose de niche, je trouve, qui reste quand même propre à ceux qui pratiquent la religion. Je pense que c'est parce que ceux qui pratiquent vraiment le jeûne, c'est les musulmans, et du coup c'est la seule manière dont on parle de ce jeûne là. Après, on en parle aussi chez les personnes qui sont anorexiques, qui là pour le coup, c'est le but, c'est vraiment de ne pas manger, voire peut-être de peu manger. Donc je pense que ces personnes en parlent, mais à part les personnes anorexiques, je vois pas d'autres personnes. Après, ça sera surtout quand même une maladie. Ouais, c'est ça. Une maladie. On va terminer, c'était très sympa de parler de ça, c'est un sujet super intéressant. C'était votre émission Co-Exprime avec Queen et Eleonore, ainsi que moi-même. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission Co-Exprime entre jeunes de différentes convictions. Merci.